Deux astronomes. C'est l'histoire de deux astronomes qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. L'un croyait en l'existence d'un créateur, Dieu, et l'autre n'y croyait pas. Celui qui croyait en Dieu eut un jour une idée. Pendant un an, sans rien dire à son ami, il bricola et construisit une maquette de l'univers qu'il installa dans l'une des chambres de sa maison. Lorsque ce fut terminé, il invita son ami chez lui et lui dit « J'ai une surprise pour toi. Ouvre la porte et tu verras. » Lorsque son ami, qui ne croyait pas en Dieu, ouvrit la porte, il trouva dans la chambre une maquette géante de l'univers, avec les planètes, le soleil, les galaxies. Enfin, c'était génial. Il fut à tel point étonné qu'il dit à son ami « C'est vraiment fantastique, super !»« Qui a fait ça ?» Et son ami lui répondit « Personne, vraiment personne. » C'était tout simplement comme ça dans ma chambre.